professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment maintenir l'autonomie de l'Égypte par rapport à l'Empire ottoman tout en se gardant de laisser les rênes du pays aux constitutionnalistes et en préservant les intérêts financiers et géopolitiques des Anglais et des Français ? Comment la question d'Orient peut-elle être aussi, en reprenant la formule de l'historien Arnold Toynbee, une question d'Occident ? Qu'est-ce qui se met en place et se joue avec la mondialisation des années 1880 ? Nous retrouvons cette semaine encore l'orientaliste Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, pour la suite de son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman. Cette année, il s'attache à mettre en lumière le grand tournant des années 1880 dans le cadre des relations entre les puissances occidentales et le monde oriental et méditerranéen. Ce grand moment charnière voit l'affirmation des impérialismes et des interactions à tous les niveaux du monde et des sociétés, l'affirmation des nationalismes, mais il est aussi marqué par le développement des communications et de la simultanéité, par l'ère des masses. C'est un monde à la Jules Verne, nous allons voir pourquoi ce matin. Nous retrouvons aussi la révolution égyptienne et nous nous installons dans la chronologie des événements de 1882 toute cette semaine. Pour cette série de cours véritable feuilleton, Henri Laurence a donc choisi le fil chronologique pour nous mettre au cœur d'une histoire complexe. Dans son livre « Orient, conversation avec Rita Basile Al-Rami » aux éditions du CNRS, il explique sa méthode d'historien et je le cite longuement. « Je suis fondamentalement un comparatiste. L'orientalisme, dès qu'il s'inscrit dans l'histoire universelle, est implicitement un comparatisme. Pour que la comparaison puisse être productive, il faut la faire à partir des intersections des deux mondes. C'est ce que j'avais fait en étudiant l'orientalisme et l'expédition d'Égypte. Mon intuition est qu'il faut partir des lieux de rencontre, des intersections historiques. » Dans le même entretien, à propos de son livre « Le retour des exilés », Henri Laurence explique son approche de l'histoire de la Palestine. Et je le cite encore. « À partir du début du XIXe siècle, on entrait dans le projet lui-même, dans sa densité chronologique. J'essayais d'y être analyste dans deux orthographies différentes du terme. La première orthographe, c'est analyste avec un « i », comme les annales, l'impératif pour moi étant de considérer toutes ces questions dans le déroulement chronologique le plus étroit possible, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour restaurer l'authenticité et l'unicité de chacune des séquences historiques. Parallèlement, j'étais analyste avec un Y pour aborder l'autre côté, les clés interprétatives générales, les problématiques de fond. Dans le projet, il y a à la fois une volonté de restaurer chacune des séquences chronologiques le plus précisément possible et par ailleurs de donner les grandes clés interprétatives, de marier les deux approches. Pour Henri Laurence, l'enjeu est d'éviter d'être trop thématique en créant des discordances qui mettent sur le même plan des événements à quelques années de distance alors que les forces en jeu, les images mentales, ne sont plus les mêmes. Avant de gagner l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence le 4 janvier dernier, rappelons le contexte. Paris ne veut pas d'intervention militaire ottomane en Égypte. Cependant, la période d'attentisme va être rompue par la découverte d'un complot contre les chefs du mouvement national en avril 1882. Mais avant cela, nous retrouvons les Français à la manœuvre. Alors à Paris, l'idée de Freycinet, qui est absolument géniale, n'est-ce pas, c'est qu'il faudrait remplacer le Khédive par un homme fort en Égypte qui ne peut être que l'inévitable prince Halim. Et donc, l'ambassadeur de France à Londres, Tissot, qui est l'ancien ambassadeur de France à Constantinople, celui qui voyait des pans d'islamisme partout, sur instruction de Freycinet, suggère que les Français et les Britanniques déposent Tewfik pour mettre à la place Halim. Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d'un simple échange d'idées entre Français et Britanniques, avec question de savoir si Nubar est derrière le projet ou non, et évidemment un point supplémentaire. En tout cas, Sienkiewicz au Caire n'est pas informé de la démarche française proposant de déposer le Khédive. Alors, comme les Britanniques sont très bureaucrates, ils font tout un conseil des ministres pour étudier le sujet, et on en conclut qu'il n'y a pas lieu d'échanger la situation présente contre l'inconnu. Ça, c'est une grande caractéristique des relations franco-britanniques à différentes époques. C'est qu'à chaque fois que les Français ont une idée, ils la soumettent aux Britanniques, et que les Britanniques l'étudient tandis que les Français l'oublient. Et donc, on a parfois des kilomètres de dossiers britanniques sur une idée sujet venu de la France que les Français ont oublié dans l'intervalle. Bon, il y a un exemple célèbre, c'est au moment de Suez. Guy Mollet avait dit aux Britanniques, en 1956, pourquoi on ne ferait pas une union franco-britannique ? Et les Britanniques ont fait un énorme dossier d'études pour voir la faisabilité du projet, tandis que Guy Mollet avait complètement oublié le lendemain qu'il avait proposé ce sujet. Alors, donc, c'est pour ça que quand on fait les analyses croisées des archives françaises et britanniques, on a souvent des surprises de ce genre. Donc, le cabinet britannique décide que Tewfik reste le moins mauvais des Khédives possible et qu'il n'est pas question de laisser passer Halim. Et donc, à la bonne méthode britannique, on fait une indiscrétion dans la presse, marquant que Halim n'est pas un bon candidat pour le Khédivia. Il n'est connu que comme le type assez peu recommandable de l'oriental parisianisé. Autrement dit, l'indiscrétion dans la presse, anonyme évidemment, est destinée à empêcher la candidature éventuelle du prince Halim. Donc, Français et Britanniques n'arrivent toujours pas à se décider. Et donc, ils proposent à la Porte d'envoyer en Égypte un officier général qui, de concert avec deux officiers français et anglais de même grade, aurait pour mission de mettre fin à l'anarchie militaire et de consolider l'état de choses actuel. L'envoyé de la Porte et les commissaires français et anglais pourraient ainsi étudier la situation en Égypte. Mais le problème, c'est que les Français refusent la solution britannique, qui mène néanmoins une proposition officielle le 28 avril 1882. Pour l'instant, en Égypte, toujours, c'est le grand calme. Le mois de mars 1882 est occupé essentiellement pour le consul britannique par le séjour en Égypte des deux fils du futur Édouard VII, donc les deux fils du prince de Galles, dont le futur roi George V. Donc, tout le consulat est mobilisé pour les princes royaux, et donc on ne s'occupe pas de politique. La Chambre des notables, elle, travaille activement à sa constitution et aux questions agraires. La presse arabe et la presse européenne se combattent sur la question des fonctionnaires. Orabi, qui est maintenant Orabi Pacha, et elle travaille à épurer l'armée. en mettant à la retraite plusieurs centaines d'officiers, majoritairement des turco-circassiens, qui sont remplacés par des officiers fellahs. Mais on ne peut pas vraiment parler d'élimination des circassiens, mais plutôt d'un rattrapage pour les éléments fellahs des pertes qu'ils avaient eues sous le Khedivia d'Ismaël. Le 1er avril, Blount reçoit en Angleterre une lettre d'Orabi le remerciant pour son action en faveur de la cause égyptienne et la liberté règne en Égypte ainsi que le calme. Donc, on serait à peu près dans une situation tranquille si on ne découvrait pas une tentative d'empoisonnement de l'un des trois colonels et on va soupçonner l'entourage du Khedive d'avoir préparé cette tentative d'empoisonnement. Ah, ce n'est pas anecdotique, l'empoisonnement, c'est une vieille méthode de gouvernement ottomane. Hein. L'empoisonnement, en général, dans l'Empire ottoman, quand le sultan en avait assez d'un ministre, il lui envoyait une tasse de café un peu amer et l'affaire était réglée. Hein. C'est pour ça que l'édit de Gulané 1839 marquait spécifiquement qu'il était interdit d'empoisonner les hauts fonctionnaires. Hein, et ça correspond à la mort à la romaine, vous savez, des sénateurs romains, quand l'empereur disait au sénateur « il serait temps que tu mettes fin à ta vie », le sénateur s'exécutait en s'ouvrant les veines. Dans l'Empire ottoman, c'était du café amer, mais ça correspond à la même chose, avec le même engagement. C'est-à-dire que si la personne se suicide ou accepte son sort, on ne s'en prend pas à ses biens et à sa famille. Si elle résiste, on s'en prend à ses biens et à sa famille. Donc c'est une méthode plutôt élégante, somme toute. Et donc, surtout au début d'avril, on découvre un complot tramé par des officiers circassiens qui auraient projeté d'assassiner Orabi et ses compagnons. Il est difficile de discerner si les intéressés se sont contentés de propos malveillants ou s'ils ont bien projeté d'assassiner le chef du mouvement national. Malais y voit une conspiration militaire pour provoquer des troubles et déposer le Khedive. Selon le consul de France, l'Angleterre aurait à ce moment-là pensé à avoir recours aux bédouins du Sinaï pour faire renverser le gouvernement égyptien. Ce qui n'est pas stupide, enfin, ce n'est pas en vain parce qu'il y aura en effet des contacts entre des émissaires britanniques et des bédouins du Sinaï durant cette période. Et il ne faut pas avoir du tout la carte géographique d'aujourd'hui. Les Sinaï, à cette époque-là, c'est un no man's land. Enfin, il y a des bidouins dedans, mais il n'y a pas de pouvoir organisé dans le Sinaï. Et donc, il y a une espèce de continuité territoriale entre le Sinaï et le Negev jusqu'au Sanjak de Jérusalem. C'est-à-dire que le Sinaï et le Negev font partie de la Badia, sur laquelle il n'y a pas d'exercice d'un pouvoir central effectif. Les choses changeront plus tard, à la fin des années 1890, les Ottomans prendront le contrôle du Negev. Par contre, l'Égypte, enfin la Britannique, sous contrôle britannique, ne prendra le contrôle du Sinaï qu'au moment de la Première Guerre mondiale. Ceci peut aussi permettre de comprendre les problèmes qu'il y a dans le Sinaï aujourd'hui. C'est que c'est un territoire qui fait partie du territoire égyptien, bien évidemment, mais sur lequel l'autorité du pouvoir central n'a pas, en réalité, qu'à peine un siècle d'existence, et non pas une très longue durée. Ce qui explique aussi une partie de l'insurrection bédouine islamiste du Sinaï à l'heure actuelle. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne sait même pas quelle est la limite frontalière entre l'Égypte et la Palestine dans cette période. Ce qui semble plus clair, c'est que le Khedive a accordé quelques concessions aux Bédouins, ne serait-ce que pour les calmer, parce qu'ils sont toujours des gens agités. Donc pas de recensement, pas de recrutement et pas de corvée sur la population bédouine. Une lettre de Mohamed Abdou à Blount, le 25 avril, donne la version du Parti national. Les officiers mis à la retraite l'ont été pour des raisons régulières de service. Le titre de pacha accordé au rabbi ne l'a pas été par le sultan, mais par le khédive, parce que c'est le rang des ministres. Le Parti national ne peut être l'instrument des Turcs, parce que tout Égyptien déteste les Turcs, qui sont des tyrans et n'ont apporté que des calamités à l'Égypte. En cas de tentative turque contre le pays, l'Égypte prendra son indépendance complète. Le complot circassien a été tramé par le tyran, Pharaon, le pharaon en arabe, Ismaël. Contrairement à ce que disent ces messieurs de Londres, l'islam s'oppose à la continuation de l'esclavage. Qu'ils viennent donc à El-Azhar expliquer aux musulmans leur religion. Le 30 avril, les officiers passés en cour martiale reçoivent leur verdict. Une quarantaine d'officiers sont déchus de leur rang et honneur et exilés dans les parties les plus éloignées du Soudan, ce qui est une pratique courante dans l'administration égyptienne. Quand quelqu'un déplaît au pouvoir central, on l'envoie du côté du Bahr el-Razal, c'est-à-dire vraiment au fin fond de l'Afrique perdue, là. Et donc, même à l'époque du contrôle franco-britannique, c'était une pratique habituelle. Et la question de savoir si c'est le calife Ismaïl qui a organisé le complot ou non. Et dans ce cas, on suspendrait la pension annuelle versée par l'Égypte à l'ex-khédive. Alors, Stiofik a demandé conseil au consul britannique sur ce qu'il doit faire, et le consul britannique lui a répondu qu'il ne pouvait pas accepter un tel jugement qui avait lieu à huis clos, les accusés ne disposant pas de défenseurs. L'exil au Soudan est considéré par le consul britannique comme une sentence de mort. Le consul de France, lui, a une position plus réservée parce qu'il ne veut pas d'intervention militaire ottomane. Et l'idée des Français, c'est d'essayer d'arriver par un moyen, par un autre, revenir en arrière à un gouvernement Sharif Pasha qui ferait des mesures libérales modérées. Et chacun s'accuse mutuellement de vouloir une intervention ottomane, puisque les Français et les Anglais disent « Votre projet du prince Halim, ce n'est possible qu'avec une intervention militaire ottomane. » De son côté, Tewfik a dénoncé auprès du sultan les condamnations des officiers. Et il accuse Orabi de réaliser l'unité arabe, de vouloir réaliser l'unité arabe et de rejeter l'autorité religieuse du calife. C'est-à-dire qu'il se frappe là où il s'est fait mal, chez Abdelhamid, le complot califal et le complot arabe. Et en fait, Tewfik est de plus en plus désemparé et ne compte que sur une intervention ottomane pour rester au pouvoir, quitte à sacrifier une grande partie des intérêts nationaux de l'Égypte, parce que sa survie politique est en jeu. Il a bien compris qu'on a pensé à le déposer, soit par le du côté des Français, soit du côté du mouvement national. Alors, Paris et Londres proposent une mesure de grâce envers les officiers. Et le khédive s'exécute et signe devant les consuls généraux la commutation de peine des accusés en simple bannissement hors d'Égypte, les officiers conservant leur grade. Alors, toute cette confusion interne sur la scène politique égyptienne cache ce qui est en train de se dérouler au Soudan. La révolte religieuse qui avait pris son origine dans la région de Fashoda s'est maintenant étendue au Kordofan et au Darfour. C'est un Mahdi qui dirige le mouvement. Le mauvais état de l'armée égyptienne, qui est de surcroît concentré surtout sur la frontière éthiopienne, explique les succès de la rébellion. Et maintenant, la rébellion s'approche de Khartoum. Et donc, on commence à se poser la question au Caire de savoir si les Égyptiens doivent ou non évacuer Khartoum. Donc, c'est très intéressant qu'on regarde la presse, parce que ça arrive en sous-main. On avait le grand thème du pan-islamique, et puis on a le début d'une révolte mahdiste en Afrique. Alors, bon, les Français, les Anglais ne se rendent pas compte encore exactement de quoi il s'agit, mais bon, ça commence à inquiéter, en plus les Français en particulier, puisque, je vous l'ai expliqué, les Français depuis longtemps sont obsédés par le risque d'un soulèvement musulman en Afrique du Nord mené par des confréries. Or, le mouvement qui est lancé au Soudan est un mouvement confrérique. Donc cette inquiétude est forte. Alors je voudrais vous évoquer la question d'Orient et le monde autour de 1880. Encore une fois, 1880 est un moment essentiel puisque c'est la naissance de l'impérialisme, de l'ère des empires, du protectionnisme, l'entrée dans l'ère des masses, etc. Ce qui fait la spécificité de la question d'Orient est la multiplicité des acteurs et leurs interactions permanentes. D'où le résumé lapidaire, mais qui attendra 1922, fait par Arnold Toynbee. La question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Ne pouvant se partager l'Empire, les puissances tentent d'établir une tutelle collective répercutant les données de l'équilibre européen. En même temps qu'elles participent, voire dans certains cas suscitent les crises, les puissances tentent néanmoins d'imposer une régulation, d'où la succession de congrès européens et de conférences des ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle le concert européen, première esquisse d'une gestion plurielle des affaires du monde. Mais ce concert européen se construit essentiellement dans les tentatives d'introduire un ordre à l'intérieur de la question d'Orient. On a vu, par exemple en Égypte, qu'à chaque moment, la France et l'Angleterre doivent tenir compte du reste du concert européen et d'obtenir des mandats des autres puissances européennes pour agir. Donc, il en résulte que les tensions internes du système politique européen se projettent dans l'espace ottoman, tandis que la conflictualité ottomane se répercute entre puissances européennes. Il en avait été ainsi dans les grandes crises d'Orient de 1833-1841 et 1853-1856. Ce qui va entraîner l'engrenage mortel, puisque le sort de l'Europe va inexorablement se lier à celui des territoires ottomans et post-ottomans pour déboucher sur l'attentat de Sarajevo et la Première Guerre mondiale. La conflictualité ottomane n'est pas due à une quelconque essence historique de ces régions du monde. Bien au contraire, à l'époque dite classique de l'histoire de cet empire, ses possessions avaient bénéficié d'une sorte de paix ottomane, troublée seulement par des conflits locaux. Querelles de pachas et de mamelouks, mini-guerres de paysans, opposition entre nomades et sédentaires. Dans l'ensemble, le système social hiérarchique et inégalitaire assurait plutôt une coexistence de communautés différentes dans un même espace. Les villes pouvaient se diviser en quartiers à dominantes communautaires distinctes. Les campagnes pouvaient avoir des villages de population mixte, ou une succession de villages de confessions et de langues différentes. L'expression symbolique qui définissait l'Empire ottoman et en était sa caricature était les trois vilayettes de Macédoine, qui avaient un tel mélange de peuples que ça a donné naissance à un plat, la Macédoine de légumes. La Macédoine des peuples a donné naissance à la Macédoine des légumes, pour exprimer ce mélange de populations sur les mêmes lieux. Néanmoins, toujours selon l'expression de Toynbee, la question de l'Occident était aussi représentée par l'occidentalisation et la modernisation des sociétés. L'ordre social traditionnel avait été démantibulé par l'émergence de l'État moderne et les progrès de l'instruction. La civilisation, entre guillemets, que l'Europe impose mais qui est aussi souhaitée par les élites modernisatrices, conduit à l'émergence de nouvelles identités politiques avec leur terrible potentiel de destruction. Ce qui avait accompagné la balkanisation de l'origine avait été le nettoyage ethnique, d'abord entre chrétiens et musulmans, puis entre chrétiens. Passé 1878, ces identités nouvelles commencent à entrer en action en Anatolie et dans les provinces arabes. En Égypte même, l'Europe se voit opposer par les musulmans son propre discours de liberté. Elle se trouve ainsi semée de le reconnaître au prix de devoir alléger, voire supprimer sa tutelle, ou de le nier en affirmant que ces peuples étant musulmans, ils ne sont pas vraiment accessibles à ces idées de liberté. Mais alors, elle doit, l'Europe, reconnaître l'échec ou l'impossibilité de son œuvre civilisatrice. Si on apporte la civilisation, on apporte la liberté. Mais si cette liberté rejette l'Europe, c'est qu'on a échoué. Dans l'idée absurde des Français et des Britanniques, c'est que les populations orientales atteindront le vrai niveau de civilisation au moment où elles accepteront volontairement d'être dominées par les Français et les Britanniques. Sinon, ce n'est pas possible. Le dernier tiers du XIXe siècle est celui de la première mondialisation, si l'on définit cette dernière par les progrès des communications. Moi, je pense parler de mondialisation depuis Jules César ou Jean Giscard ou Tamerlan, qui ont été de très grands mondialisateurs. Après tout, les Mongols sont arrivés jusqu'aux rives de l'Adriatique. De ce point de vue, la mondialisation est un phénomène de très longue durée. Mais en revanche, ce que moi j'appelle la première mondialisation, c'est le moment où on bascule dans le temps réel et dans un système préordonné de transport. Le temps réel, c'est le télégraphe, puisqu'à partir de ce moment-là, en 1880, vous savez à Londres, à Paris, les événements qui sont produits en Chine 2 ou 3 heures avant, le temps que les dépêches télégraphiques arrivent et soient transmises. Le système des communications, il est tout simplement exprimé par Jules Verne dans Un tour du monde en 80 jours. Vous n'avez qu'à aller dans une pièce dans laquelle vous avez l'ensemble des indicateurs de transport mondiaux pour faire un itinéraire qui vous permet de connecter les horaires de chemin de fer aux horaires des bateaux à vapeur, puisque chacun part à heure régulière des gares ou des ports. Donc, ceci est pratiquement achevé en 1880. Vous pouvez faire à Londres un plan d'itinéraire en 80 jours pour faire le tour du monde. C'est ça la première mondialisation. C'est le temps réel, qui est un autre exprimé dans Jules Verne, dans Michel Strogoff, quand les deux correspondants de presse bloquent la ligne télégraphique entre la Sibérie et l'Europe pour donner des dépêches successives sur l'évolution de la révolte en Sibérie. C'est le temps réel. Non, Jules Verne est un révélateur extraordinaire de la fin du XIXe siècle et de cette modernité extraordinaire qui est celle de la fin du 19e siècle. Si vous voulez comprendre ce monde de Jules Verne, enfin ce monde des années 1880, c'est le monde de Jules Verne. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e. Qu'est-ce que la première mondialisation des années 1880 ? Alors, comme toute période dans l'histoire, nous avons toute une série de paradoxes. D'un côté, nous avons les progrès de l'alphabétisation dans les sociétés industrielles, ce qui fait qu'aux alentours de 1880, les sociétés industrielles deviennent des sociétés de masse. On entre dans l'ère des masses, la démonstration est en fait par le fait qu'à partir de cette période, vous avez des organes de presse, des journaux qui, en Europe ou aux États-Unis, tirent à plus d'un million d'exemplaires. Donc les tirages de presse de la fin du XIXe siècle sont bien supérieurs à nos tirages actuels. C'est le moment paradoxal où, d'un côté, par exemple en France, mais aussi le cas dans l'ensemble de l'Europe, l'État reconnaît d'une part l'existence des petites patries, comme on dit, des petites patries locales. Pensez en France, par exemple, Mistral et le Félibrige sous la Troisième République. Donc, reconnaissance des identités locales, mais en même temps, une homogénéisation croissante de la société, par la presse, par le service militaire, la conscription, par différents moments. C'est dans des pays comme la France la période de l'apogée du patriotisme. Un grand historien récemment décédé, François Caron, avait fait un livre sur la France de cette période en l'appelant « La France des patriotes ». Parce que c'était le thème qui réunissait aussi bien la gauche que la droite de cette première décennie de la Troisième République. Donc, le sommet du patriotisme, un patriotisme qui, évidemment, peut dégénérer. En France, on dit chauvinisme. En Angleterre, on dit jingoïsme. Mais c'est bien aussi ce sentiment de violence nationale, presque, qu'exprime le chauvinisme, le jingoïsme, contrairement au patriotisme. Mais surtout, 1880, c'est en Europe le moment d'apparition. Alors, j'avais intitulé ça il y a déjà une trentaine d'années, mais ça n'a jamais marché. C'est encore une des grandes déceptions. J'avais créé un mot, mais il ne prend pas racine, pourtant il est beau. C'est l'apparition de ce que j'ai appelé les idéologies authentitaires. C'est-à-dire ces idéologies qui sont largement antimodernes, c'est-à-dire qui contestent les résultats de la modernité, des progressistes, et qui se revendiquent d'une nostalgie d'un temps ancien qui est évidemment complètement imaginaire. Totalement inventé, l'antimodernisme est évidemment une pure illusion et ne correspond pas aux réalités. Et les authentitaires, les antimodernes ne dénèlent pas les instruments de la modernité. En France, par exemple, l'ordre de l'Assomption qui tient la croix, etc. Et en même temps, l'ordre monastique le plus moderne d'Europe qui organise des gigantesques pèlerinages en chemin de fer, des pèlerinage en Terre Sainte en bateau qui a introduit l'électricité à Jérusalem, et ainsi de suite. Les antimodernes ne sont pas des antitechniques. Ils utilisent les produits de la technique pour contester la modernité. Alors, on peut voir la façon dans laquelle ces énergies authentitaires se déclinent dans les différentes parties de l'Europe. C'est vers 1880 qu'apparaît le terme d'antisémitisme, puisqu'il a été forgé en Allemagne en 1879. En Russie, c'est encore un anti-judaïsme qui se combine avec le modèle national de l'Europe orientale. Donc, je rappelle la juxtaposition d'une culture exprimée par une langue et d'une religion, ici l'orthodoxie. Pour être russe, il faut parler russe et être de religion orthodoxe. Si vous êtes juif, vous pouvez parler parfaitement russe. Vous n'êtes pas russe parce que vous n'êtes pas orthodoxe. Et la Russie est très intéressante parce que c'est la Russie du 19e siècle qui a inventé la grande dichotomie qui continue de travailler le monde jusqu'à aujourd'hui, avec l'opposition entre les slavophiles qui revendiquent une authenticité locale s'inscrivant dans l'histoire longue de la Russie et les occidentalistes qui veulent au contraire que la Russie rattrape l'Occident et en adopte toutes les pratiques de la modernité. Donc l'opposition entre occidentalistes et slavophiles, c'est l'opposition que nous rencontrons encore aujourd'hui entre ceux qui défendent des authenticités largement imaginaires des sociétés du monde par rapport à une modernité définie comme étant occidentale. Pensez par exemple aux valeurs islamiques ou aux valeurs asiatiques dans les discours d'aujourd'hui. Mais cette opposition, elle s'est construite à partir du milieu du 19e siècle en Russie. Et les slavophiles, donc dans la lignée du romantisme européen, germanique surtout, est le premier mouvement de rejet de l'occidentalisation en opposant le génie des peuples, ou du peuple évidemment. Alors, les juifs et autres halogènes, même s'ils parlent russe, ne peuvent devenir russes sauf par conversion. Et en même temps, on a vu combien la slavophilie et le panslavisme étaient devenus l'instrument d'une politique conservatrice face à l'intelligentsia libérale ou révolutionnaire qui, elle, se veut championne de la modernité. Et la guerre de 1877-1878 avait été en quelque sorte l'apogée du panslavisme et de la slavophilie, puisqu'elle a conduit à créer un État slave par excellence qui était la Bulgarie. Si vous allez à Sofia, vous voyez cette image de slavophilie et d'orthodoxie qui est profondément marquée dans cette période. Alors, 1880, c'est aussi donc l'émergence de l'antisémitisme en Allemagne. Comme le peuple allemand est divisé entre catholiques et protestants, et même si les catholiques ont été un moment considérés, enfin que les protestants ont été un moment considérés dans l'Allemagne de Bismarck comme les meilleurs des Allemands, les catholiques étant des Allemands de moins bonne qualité, c'est ce qu'on appelle l'époque du Kulturkampf, du combat pour la culture dans les premières années du Second Reich, il n'est pas question d'identifier la germanité à une religion, puisque sinon le peuple allemand serait divisé en deux parties. Et d'autre part, la germanité permet justement de s'étendre à l'extérieur des frontières du Second Reich, en particulier la partie germanophone de l'Empire austro-hongrois. Donc, alors que dans les années 1860, l'opposition avait été forte entre l'Autriche et la Prusse, et Sadowa avait rejeté l'Autriche en dehors de l'Allemagne, autant à partir de 1880, dans une identité germanique commune, les Allemands et les Autrichiens de langue allemande se rapprochent du point de vue de l'identité. Donc, l'identité allemande va être définie par la langue et la culture, et c'est en Allemagne que se crée non seulement l'antisémitisme, mais aussi un début de rejet du christianisme qui conduira aux excès terribles du nazisme, puisqu'on va inventer une authenticité allemande antérieure à la christianisation en faisant l'apologie de la germanité à l'époque romaine. Donc Tacite va devenir paradoxalement l'auteur préféré des germanophiles, parce que Tacite avait écrit la Germania. Et donc l'antimodernisme allemand va pousser jusqu'à construire une vision raciale irréductible à la modernité dangereuse. Et tout ça se traduit de façon extraordinaire sur le plan artistique par l'œuvre de Richard Wagner, qui est l'apologie de la germanité et souvent d'une germanité dans le ring qui est antérieure au christianisme. Et on sait combien Wagner était antisémite et combien pour lui le juif corrompait l'authenticité allemande. Et puis c'est donc toujours dans ces courants de germanité et de redécouverte de la Germanie que se développe une contestation de ce qu'on appelle déjà à l'époque le judéo-christianisme. Puisqu'on a ces courants qui vont devenir des courants néo-païens, vont dire que les juifs et les chrétiens ont corrompu l'identité allemande. Bon, là, on n'est qu'au début, évidemment, de ce qui conduira au nazisme. Alors, en France, l'antisémitisme, passant de sentiment individuel à expression collective, est un peu plus tardif. La France juive de Drummond est de 1886, le grand livre de l'antisémitisme français. Si l'antimodernisme est un caractéristique de ce qui va prendre le nom de nationalisme en France par opposition aux patriotes, on ne peut pas définir, contrairement à l'Allemagne, la France par une race. Parce que vous avez des Celtes, des Latins, des Germains et des tas d'autres choses, comme dirait Renan, des débris de nations un peu partout en France. Donc, les doctrinaires du nationalisme n'ont pas la religion, comme en Russie, ils n'ont pas la race, comme en Allemagne, donc qui vont renvoyer à l'histoire pour définir l'authenticité française, c'est la fameuse thèse de la terre et des morts que vient bientôt incarner Barrès, et qui donc se renvoie à l'histoire, qui conduira à définir une partie de la société française comme allogène, n'appartenant pas à la terre et aux morts. Donc les juifs, les protestants et les francs-maçons, les trois éclats, selon Charles Maurras, un peu plus tard, vers 1900, à peu près. Donc, on voit que, aussi bien dans les cas russes, allemands et français, l'antimoderniste authentitaire conduit à un rejet d'une partie du corps social que l'on définit comme étranger par nature. Je vous parle de 1880, vous comprenez bien. En Grande-Bretagne, on n'a pas, à cette période, l'émergence d'une pensée authentitaire, mais plutôt l'exaltation de la supériorité de la race anglo-saxonne à qui la domination du monde est donnée une fois qu'on ajoute à cet ensemble les États-Unis. C'est donc ce qu'on appelle « Greater Britain », la plus grande Grande-Bretagne, qui est le fait que l'ensemble de la race anglo-saxonne, aussi bien en Amérique du Nord que dans les îles britanniques, doit avoir la domination du monde parce que tout le monde reconnaît universellement la supériorité des anglo-saxons sur le reste de l'humanité, y compris des auteurs français qui ont publié à quoi se tient la supériorité des anglo-saxons. Et ce livre de Desmoulins, Supériorité des anglo-saxons, a été immédiatement traduit en arabe vers 1880. Donc, le racialisme britannique ne se confond pas avec un projet étatique, mais une alliance d'États qui comporterait l'Angleterre, les Dominions à peau blanche, qui ont une autonomie croissante et qui sont de plus en plus reliés à la métropole, non pas par une relation de suggestion, mais par une identification culturelle. C'est ce qu'on appelle à la fin du XIXe siècle la « Britishness », la britannitude, dirait peut-être un ancien ministre, enfin un ministre français. Cette Britishness, c'est ce qui fait la force de la liaison entre le Canada anglais, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et une partie de l'Afrique du Sud. Donc, c'est le moment où, dans le cadre de la première mondialisation, ces idéologies de l'authenticité se construisent dans un refus de la modernité, mais qui est en même temps le moment où, dans l'histoire, on n'a jamais eu une telle fluidité dans la circulation des personnes. Point fondamental, les deux seuls pays en 1880 qui exigent un passeport, c'est l'Empire ottoman et l'Empire russe. Le reste, vous circulez sans passeport. Et comme l'ensemble du monde civilisé fonctionne en monnaie or, les questions de change ne se posent pas. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous pouvez embarquer sur un coup de tête à Beyrouth et vous retrouver à Ellis Island dans 3 semaines, sans avoir un contrôle d'identité, sauf à l'arrivée Ellis Island pour l'examen final avant l'entrée sur le sol des États-Unis. Alors, la grande immigration vers les Amériques, elle a plusieurs phases. La première phase, qui en gros va de 1820 à 1880, est une immigration de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord vers l'Amérique du Nord. Donc, en dehors des Anglais, enfin des gens des îles britanniques, parce que vous avez quelques millions d'Irlandais dans l'eau, vous avez énormément d'Allemands et énormément de Scandinaves qui émigrent vers les États-Unis avant 1880. Après 1880, l'Europe du Nord cesse d'être le courant principal d'immigration, la quantité baisse, et la relève est prise maintenant dans cet extraordinaire arc géographique qui va de la Baltique à la Méditerranée orientale, puisque tous les peuples qui vont donc de la Baltique, de la Pologne russe, de l'Ukraine, etc., évidemment des Balkans, l'Anatolie et le Proche-Orient. La migration de masse vers les Amériques commence ce moment-là. Alors, on peut se demander pour quelle raison. La première raison, c'est que les connexions des réseaux sont maintenant effectuées. Vous avez tout simplement le fait qu'à partir de 1880, les réseaux ferroviaires de Pologne ou d'Ukraine, russes, sont connectés avec les réseaux de chemin de fer d'Europe occidentale. Et donc, si vous habitez à Plonsk, en Ukraine, vous pouvez partir de la gare de Plons et vous retrouver en 4 jours à Hambourg, où vous embarquez sur un navire allemand de la Hamburg America à destination de l'East Island. Si vous êtes à Beyrouth, vous arrivez à Marseille, et de Marseille, vous prenez le train jusqu'à Cherbourg, et à Cherbourg, vous montez sur le Titanic, si vous êtes chanceux. 10% des gens du Titanic étaient libanais. Donc, c'était les quatrièmes classes. Et quand j'étais encore au Liban en 2002, on prétendait qu'il y avait un vieillard dans la montagne libanaise qui était le dernier survivant du Titanic. On n'a jamais authentifié le cas, mais il y avait encore un monsieur en 2000 qui se prétendait être le dernier survivant du désastre. Donc, aux États-Unis, l'arrivée de ces migrations de masse avait multiplié les catégories qu'on appelle à l'époque les Américains à trait d'union. Les Italo-Américains, les Germano-Américains, les Polono-Américains, etc. Et chaque émigration constitue un foyer culturel très lié à sa mère patrie, enfin à sa patrie d'origine, mais en même temps jouant la carte de l'intégration. Il ne faut pas avoir d'illusion. Les migrants sont entre deux mondes et ils conservent aussi bien une image forte de la terre de départ qu'ils acquièrent une image forte de la terre d'arrivée. Donc la multiplication des Américains à trait d'union. Alors pour l'histoire, une fois pour toutes, les Affinated Americans vont disparaître durant la Première Guerre mondiale dans la mesure où la communauté la plus importante d'Américains à trait d'union durant en 1914, ce sont les Germano-Américains. Et comme ils deviennent l'ennemi, ils perdent leur identité allemande. Et donc, c'est à ce moment-là que la notion de germano-américain disparaît. Alors qu'en réalité, des millions de WASP sont des descendants d'Allemands, ou encore M. Trump est un descendant d'Allemand. Et on oublie combien de millions de migrants allemands il y a eu au XIXe siècle. Alors évidemment, vous avez aussi les Juifs. Et les Juifs allemands avaient émigré avec les autres Allemands avant 1880, et après 1880, ce sont les Juifs orientaux, enfin ceux de l'Empire russe, qui émigrent à leur tour. Et alors, les schémas sont les mêmes. Ils arrivent à Ellis Island, une fois sur Terre, ils ont un peu d'économie pour acheter de quoi faire du colportage. Et donc, ils partent faire du colportage sur les routes américaines. Et donc, historiquement parlant, on n'a jamais fait la parenté, mais pourtant c'est exact, le métier de colporteur, à la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient essentiellement occupés par des Juifs et par des Arabes qui viennent d'émigrer à Ellis Island. Et en deux ou trois générations, ils deviendront de riches bourgeois votant républicains, comme il se doit, parce qu'ils réaliseront le rêve américain. Alors, donc, ça, c'est la migration. Mais en même temps, 1880, c'est la technique. On peut dire, si vous voulez, qu'après 1815, nous avons une dilatation du temps avec une résurrection des civilisations anciennes par le déchiffrement des écritures. Déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, déchiffrement des cunéiformes 20 ans, 25 ans après par les Français, les Anglais, Rawlinson, etc. Et puis ensuite, les déchiffrements qui se continuent jusqu'à 1880, découverte de Sumer, 1900, découverte de la crête minoenne, Schliemann, etc. C'est-à-dire que le 19e siècle, d'un seul coup, acquiert des milliers d'années d'histoire. Bon, on savait qu'ils existaient. On savait qu'il y avait les pyramides. Mais on ne savait pas qui les avait fabriquées et pourquoi on fantasmait dessus. Tandis que maintenant, on lit les textes. Et l'un des grands travaux européens, c'est de faire venir en Europe toutes ces pièces d'archéologie monumentales qui viennent de l'Orient. On avait parlé de Layard, par exemple, qui avait apporté les fameux taureaux ailés au British Museum. Mais on a des tas d'autres cas, etc. Donc, si on a d'un côté acquis des milliers d'années, donc on a dilaté le temps, en même temps, on réduit l'espace par les progrès des communications et par l'invention de l'universal. C'est le XIXe siècle qui se construit comme universel. D'ailleurs, si vous voyez les titres des ouvrages ou des institutions du XIXe siècle, c'est le terme universel et pas international qui est utilisé. Au XXe siècle, on dira international. Mais on dit la compagnie universelle du canal de Suez dans le sens de compagnie internationale du canal de Suez. Et on fait donc, à partir de 1851, des expositions universelles. Et elles se déroulent en Europe et en Amérique du Nord et parfois en Australie. Alors, le paradoxe des expositions universelles, c'est le fait que d'un côté, comme vous le voyez sur cette gravure d'époque, sur celle de 1879 à Paris, c'est le hall des machines, donc c'est la modernité absolue. Et c'est là, dans cette exposition universelle, qu'on montre des produits nouveaux de l'électricité et l'invention tout à fait nouvelle du téléphone. Donc, c'est la pointe de la technique et c'est l'Occident. Mais l'exposition universelle représente aussi les peuples d'Orient. Mais il les représente sous une forme du traditionnel. Donc, on rétablira des temples hindous, des temples khmers, des rues d'Alger, enfin, tous ceux que vous voulez, des rues du Caire, dans les expositions universelles. À Paris, en 1878, c'est Paris de 78-79, on a donc des gauchos argentins, des chinois et des japonais, et vous avez aussi les peuples dits les plus primitifs. Et alors, on a, dans un souci scientifique, voulu représenter les peuples primitifs dans leur environnement. Et donc, le but de l'exposition universelle est de représenter aux gens, à des millions de visiteurs, ce que seuls des voyageurs peuvent voir sur place. Et donc, on ne parle pas du tout à cette époque-là de zoo humain pour la représentation des peuples dits primitifs d'Afrique ou d'Océanie. Évidemment, ces manifestations ont un côté à la fois commercial et constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui une mise en récit. Mais il faut bien comprendre que ce sont avant tout une anthropologie et une ethnologie destiné au grand public à une époque du triomphe de la science. Donc ces expositions universelles représentent à la fois le primitif, le traditionnel et le sommet de la modernité. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, qu'est-ce que la première mondialisation des années 1880. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Orient, conversation avec Rita Bassel Al-Rami » aux éditions du CNRS et chez le même éditeur « Oriental ». Et à la mi-février, il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914 ». Sur la question des intersections et des nœuds en histoire, je vous recommande également le début de son entretien au micro de Christine Goémé dans le cadre de l'Éloge du Savoir, le 9 mars 2016. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, l'historien Henri Laurence nous présentera la question égyptienne et le prestige européen. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.